Chanson du chauffeur d'autobus au bord de la route qui contemple les restes fumants de son véhicule détruit par des vandales, songeant à tout l'argent que va coûter le remplacement du véhicule, le remboursement des tickets des bagages des voyageurs, les heures de travail perdues et le nettoyage de la voirie, et qui a la naïveté de croire qu'en votant pour un abo démagogue, ça résoudrait le problème. Ça, c'est le titre. Voilà la chanson. Car...